La carrière de marbre. La carrière de marbre se trouve à quelques kilomètres de chez moi. Je mets 1h30 environ pour m'y rendre, 1 heure pour en revenir. À l'aller, je termine le trajet en danseuse, ce qui est assez sportif, car bien que je ne sois pas encore chargé, je suis quand même obligé de traîner la remorque. J'ai essayé à plusieurs reprises de fixer le bloc de marbre sur mon porte-bagages. Les essais n'ont jamais été concluants. Le marbre chutait, ou moi. Après quelques blocs fêlés, des genoux et des coudes ouverts, je me suis enfermé dans l'atelier où j'ai imaginé puis construit une belle remorque bien solide en bois avec des roues de vélo. J'ai équipé 10 bicyclettes d'une attache spéciale au niveau des papillons de la roue arrière pour pouvoir traîner la remorque. Ainsi, j'ai le choix de ma monture quand je décide de me rendre à la carrière. Sans compter que je ne suis jamais pris au dépourvu par une panne d'un de mes vélos à laquelle je n'aurais pas eu le temps de remédier. Le marbre est d'une densité très forte, particulièrement celui que je travaille. Un bloc d'1 mètre cube, c'est-à-dire 1 mètre de côté, pèse dans les 2800 kilos. C'est la raison pour laquelle je ne prends que des petits morceaux dans ma remorque. Il faut que j'arrive à porter chacun dans mes bras, et je n'ai pas le physique type du lutteur de foire. Je dois aussi me limiter dans le nombre de blocs pour être capable de pédaler une fois que mon chargement est fini. Les soirs où je suis trop gourmand, je me fais des frayeurs dans la descente, au cours de laquelle les freins sont soumis à un dur régime, et je souffle comme un sanglier amoureux une fois que j'arrive sur le plat. On voit que la cueillette du marbre est une affaire plutôt délicate. De plus, comme je respecte le travail des autres, je ne me fournis pas dans la carrière exploitée où chaque bloc est susceptible d'être vendu, mais dans l'ancienne, l'abandonnée. On l'appelle la carrière de Louis, car le souverain perruquet qui ne se lavait jamais affectionnait ce marbre, dont le rouge lui rappelait le sang versé par le Christ pour nos péchés, et le blanc la pureté de l'âme. Chacun voit midi à sa porte. Mon midi à moi se nourrit seulement de la beauté des couleurs. La carrière de Louis étant plutôt difficile d'accès, je suis dans l'obligation de laisser ma bicyclette et son attelage en bas de la pente, pour grimper à pied le raidillon creusé d'ornières, jonché de cailloux. Là-haut, à la lueur de la pleine lune, je peux choisir les blocs à mon aise et tester leur cohérence, c'est-à-dire m'assurer qu'il n'y ait pas de trop grosses fissures à l'intérieur. Pour vérifier la chose, je cogne délicatement le bloc à l'aide d'une massette, les oreilles à l'affût. Je le fais sonner, dit-on dans le jargon des tailleurs de pierre. Si le son se révèle mat, le marbre est sain. S'il sonne creux, je sais qu'il va se partager là où ça lui chante, dès que je vais lui asséner quelques coups de pointe. Plutôt que de me fatiguer et de déranger le bloc pour rien, je préfère donc l'abandonner à son sort dans la carrière, où il poursuivra paisiblement son érosion. Lorsque j'ai sélectionné 2 ou 3 beaux cailloux, je les fais rouler jusqu'en bas de la pente en essayant de me protéger les mains, les pieds et les tibias. En serrant les abdominaux afin de protéger mon dos, je charge les blocs dans la remorque, que je ne remplis que 3/4 sous peine de ne pouvoir la tracter. Avant de repartir, je me détends en me baladant un peu dans la carrière, exécutant une série de mouvements, tours de bras, ronds de jambes, pour défatiguer mes muscles. Je vais admirer le front de taille, éclairé par la lune, les engins en repos. J'aspire la bonne odeur de thym et de calcaire. Pour dissiper tout malentendu, je tiens à préciser que le marbre est un calcaire qui a subi des transformations au cours du temps, dues à la chaleur ou à la pression. Puis, plein de ce sentiment de plénitude et de liberté, je pisse longuement en plein air, les yeux dans les étoiles, dans une manœuvre éminemment masculine pour profiter au maximum de la nature. Un atavisme peut-être, que j'accueille comme il se doit, en goûtant, une fois n'est pas coutume, cet étrange semblant de solidarité, d'appartenance même, à ma communauté de contemporains à braguette. Le temps d'un besoin naturel écrasé par la beauté du monde, l'immensité universelle et le soulagement, j'en ai presque des envies de grégarité. J'en frissonne. Dans un soupir de bien-être, je retourne à mon vélo, enrhumant une dernière fois à plein nez les arômes du marbre. Enfin, je pédale jusqu'à la maison, en sollicitant fortement mes freins dans la longue descente, puis mes cuisses et mes mollets sur les routes de plaine. Je ressens une grande joie dans cette mise à l'épreuve des muscles, satisfait que je suis de voir ma machine humaine en bon état de marche, de constater qu'elle obéit au moindre de mes désirs, et que, grâce à elle, Je suis nantie d'une indépendance sans laquelle je ne pourrais pas vivre comme je le désire. Le corps est avant tout un instrument de liberté que je chéris, que je protège, que j'entretiens du mieux que je peux. J'espère faire tout ce qui est en mon pouvoir, le plus longtemps possible, pour éviter qu'il ne lui pousse des barbelés d'avachissement. Il n'est pas rare que j'arrive chez moi au moment où ma douce amie la lune décline dans des soupirs d'aurore. Je laisse le jour se lever tandis que je me couche, après une bonne douche et un verre de lait frais. Quelques heures plus tard, reposé, au grand jour, je suis toujours surpris par la couleur des blocs que j'ai ramenés. La lumière pâle de la lune, en effet, ne parvient jamais à dévoiler toute la richesse des tons du marbre. Je bois un café en admirant mes nouveaux colocataires calés dans la remorque. Je les imagine déjà polis. Je frotte de la manche quelques traces de terre pour apprécier la teinte de celui-ci, retourne celui-là pour suivre la course d'une veine dans les tons de verre. Une vague de chaleur diffuse dans mon thorax et mes bras. Ça ne manque jamais. C'est une sensation très agréable. Il existe une carrière de marbre noir, pas si loin de chez moi, mais trop éloignée pour que je m'y rende en vélo, que je fasse le plein dans la nuit et que je revienne à la maison avant le point du jour. Bien sûr, je pourrais demander à Lolek et Danka qui ont une voiture, mais je n'ose pas. Je n'ai jamais aimé embêter les gens avec mes affaires personnelles, sans compter qu'un marbre ramené sans effort aurait à mes yeux quelque chose de moins héroïque, il perdrait de son aura. Disons que cette carrière reste un rêve inaccessible. On a besoin de rêves. Les miens ne partent pas bien loin, mais ils remplissent parfaitement mes nuits. Je sculpte la matière que j'ai ainsi récoltée quand j'en ressens le besoin. Il y a quelques années, je m'étais imposé une discipline terrible, attaquant le marbre chaque matin de très bonne heure. Parfois, j'avais le cœur à ça, je tapais sur le manche de mon ciseau avec allégresse et passion. D'autres jours, en revanche, je sculptais simplement par habitude, en pensant à mon vélo bleu dont la roue était voilée et qu'il fallait réparer, aux courgettes à arroser, à la porte de l'atelier à repeindre. Il ne sortait alors de mon ciseau que des formes molles, sans saveur. Un observateur non averti n'y verrait peut-être aucune différence. Pourtant, je repère du premier coup d'œil dans mon travail la forme non désirée, le marbre sculpté avec ennui. Une évidence qui n'en est pas moins difficile à expliquer. C'est un peu comme si l'âme manquait à la pierre, comme si ce volume n'avait d'autre fonction que celle d'encombrer un peu plus la planète. Quand la chose se produit, que j'en ai assez de voir cet objet superflu, de constater tous les jours avec irritation la place indue qu'occupe ce bibelot misérable dans le monde, et plus précisément sur une de mes étagères, je me débarrasse du marbre. Étant donné que je n'ai pas le cœur de le détruire, par un mécanisme psychique refusant la notion d'échec ou par une inclination naturelle à la non-violence, je l'enterre. Je creuse un trou profond dans la terre meuble du jardin, je prononce quelques doux mots d'adieu à l'encontre de la forme maladroite qui n'a rien demandé à personne, puis je la dépose au fond du trou. Je rebouche bien, je tasse la terre, je ressème par-dessus. Mes tomates, courgettes ou poivrons, insensibles à l'art imparfait, caressent alors de leurs racines la forêt de sculptures qui repose sous leur ventre. Je suis convaincu que c'est en partie la raison de leurs belles couleurs. Comme quoi, tout n'est pas perdu pour tout le monde.